Jazz. Délire, man. Oh la la, Jazz. Dis-moi ça qu'a fait. Ou dis-nous, faut nous pas qu'à check. Ou les faire wallou pas en fait. Mais d'ailleurs, ça ou c'est en fake. Papa, les moi en long jet. On y sa qui ka pété sec. Jalousie qui a bon mal tête. Non, mou pas moi pour la bête. C'est moi qui l'a. Pas fini Tesla Madrina. Déjà ou mec papa les gras. Pas et puis moi pour faire débat. Yo téléphone, moi sa piti. Ou ni en tête, cal sa piti. Allo bla bla sa piti. Aïe chercher via gras sa piti. Yo télé là pour moi on sav ça. Pas chercher mes témoins à dans salsa. Combien bitch, combien rat sale. Yo c'est des sous ça yo qui bat ça. Save check consi. Yo fun mais yo c'est sensi. En jawe consi. L'animou mais initiosi. C'est moi qui l'a. Pas vini Tesla Madrina. Déjà ou mec papa les gras. Pas et puis moi pour faire débat. Yo téléphone. Moi sa piti. Ou ni en tête. Cal sa piti. Allo bla bla sa piti. Aïe chercher via gras sa piti. Dis-moi ça qu'a fait. Ou dis-nous faut nous pas qu'à check. Ou les faire wallou pas en fait. Mais d'ailleurs ça ou